Premier livre des rois, chapitre 19. Or Achab rapporta à Isobel tout ce qu'Élie avait fait, et comment il avait entièrement tué avec l'épée tous les prophètes. Et Isobel envoya un messager vers Élie, pour lui dire, « Ainsi fassent les dieux, et ainsi ils y ajoutent, si demain, à cette heure-ci, je ne te mets au même état que l'un d'eux. » Et Élie voyant cela se leva, et s'en alla comme son cœur lui disait. Il s'en vint à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa là son serviteur. Mais lui s'en alla au désert, le chemin d'un jour, et étant venu il s'assit sous un genêt, et demanda que Dieu retirât son âme, et dit, « C'est assez, ô Éternel, prends maintenant mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Puis il se coucha, et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha, et lui dit, « Lève-toi, mange. » Et il regarda, et voici à son chevet un gâteau cuit au charbon, et une fiole d'eau. Il mangea donc et but, et se recoucha. Et l'ange de l'Éternel retourna pour la seconde fois, et le toucha, et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva donc, et mangea et but, puis avec la force que lui donna ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Et là il entra dans une caverne, et y passa la nuit. Ensuite voilà, la parole de l'Éternel lui fut adressée, et l'Éternel lui dit, « Quelle affaire as-tu ici, Élie ?» Et il répondit, « J'ai été extrêmement ému à jalousie pour l'Éternel le Dieu des armées, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes avec l'épée, je suis resté moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Mais il lui dit, « Sors, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passait, et un grand vent impétueux, qui fendait les montagnes, et brisait les rochers, allait devant l'Éternel, mais l'Éternel n'était point dans ce vent. Après le vent se fit un tremblement, mais l'Éternel n'était point dans ce tremblement. Après le tremblement venait un feu, mais l'Éternel n'était point dans ce feu. Après le feu venait un son doux et subtil. Et il arriva que dès qu'elle l'eut entendu, il enveloppa son visage de son manteau, et sortit, et se tint à l'entrée de la caverne, et voici, une voix lui fut adressée, et lui dit, « Quelle affaire as-tu ici, Élie ?» Et il répondit, « J'ai été extrêmement ému à jalousie pour l'Éternel le Dieu des armées, parce que les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes avec l'épée, je suis resté moi seul, et ils cherchent ma vie pour me l'ôter. » Mais l'Éternel lui dit, « Va, retourne-t'en par ton chemin vers le désert de Damas, et quand tu seras arrivé tu loindras Hazaël pour roi sur la Syrie. Tu loindras aussi Jéhu fils de Nimsi pour roi sur Israël, et tu loindras Élisée fils de Sapha, qui est d'Abel-Méola pour prophète en ta place. Et il arrivera que quiconque échappera de l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir, et quiconque échappera de l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je me suis réservé 7000 hommes de reste en Israël, savoir, tous ceux qui n'ont point fléchi leurs genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. » Élie donc partit de là, et trouva Élisée fils de Sapha, qui labourait ayant 12 paires de bœufs devant soi, et il était avec la 12e. Quand Élie eut passé vers lui, il jeta son manteau sur lui. Et Élisée laissa ses bœufs, et courut après Élie, et dit, « Je te prie, que je baise mon père, et ma mère, et puis je te suivrai. » Et il lui dit, « Va, et retourne, car que t'ai-je fait ?» Il s'en retourna donc d'avec lui et prit une paire de bœufs, et les sacrifia, et de l'attelage des bœufs il embouillit la chair, et la donna au peuple, et ils mangèrent, puis il se leva, et suivit Élie, et il le servait.